Neuvièmement, de la liberté. Parmi les préjugés à détruire, celui de la liberté vient en première ligne. On veut que l'homme soit libre, qu'il ait une âme autonome, exempte de toute influence physiologique. C'est le dualisme antique. D'un côté l'esprit, de l'autre la matière. On peut fustiger le corps, le macérer, le mutiler. L'homme n'en est point affecté. Notre libre arbitre s'exerce sans contrainte. Nous avons le pouvoir de choisir entre ce qu'on est convenu d'appeler le bien et le mal. Les philosophes officiels affirment que nous possédons cette liberté morale. « On me présente deux louis, » dit M. Jules Simon. Et l'on me dit, « Voici celui que vous choisirez. Est-ce que je ne me crois pas parfaitement libre de choisir l'autre ? Je propose à quiconque pense que je ne suis pas libre de gâcher contre moi 1000 écus, 1 million, 100 millions, que dans l'espace d'une heure, je lèverai 3 fois la main. Qui acceptera le pari ? Personne. Qui hésitera à le proposer ? Personne. Si nous sommes 3 dans une chambre, les 2 autres peuvent parier entre eux que je partirai du pied droit ou du pied gauche. Mais quel est celui qui fera tel gageur contre moi-même ? Ces faits parfaitement simples ont le mérite d'établir de la façon la plus irréfutable la croyance à la liberté humaine, etc. Voilà à l'aide de quels misérables arguments les sophistes bourgeois démontrent un principe qui sert de base à leur philosophie. Avoir la faculté de choisir entre 2 choses rigoureusement identiques, de lever la main droite ou le pied gauche, qui ne sent l'inanité d'une pareille démonstration. Y a-t-il au monde quelque chose de plus puéril, de plus grotesque ? Monsieur Jules Simon, vous êtes pris en flagrant délit d'ergotage et de sophisme. Mais les animaux aussi ont la faculté de se mouvoir en tel sens qu'il leur plaît. Ils peuvent même agiter leur queue à droite, à gauche. Oseriez-vous affirmer qu'ils soient libres pour cela ? On ne choisit pas entre 2 choses rigoureusement identiques. On prend la première venue. Si les choses ne sont pas identiques, on prend toujours celle qui est ou qui paraît la plus avantageuse. Si nous ne prenons pas la meilleure, c'est que nos connaissances nous trompent, ou c'est que nous faisons un sacrifice momentané dans l'espoir d'un plus grand bien pour l'avenir. Il ne nous est point possible d'agir autrement. Si l'ivrogne ruine sa santé à boire des liqueurs pernicieuses, c'est que, dans son ignorance, il ne voit que la jouissance immédiate. Si le travailleur économise en prévision de l'avenir, c'est qu'au prix de quelques privations, il espère se procurer une longue période de repos et de bien-être dans sa vieillesse. Il n'est pas vrai, comme on le croit communément, que l'homme ait le choix entre 2 actions différentes. Mû par l'instinct du bien-être et de sa conservation, et sous l'influence de son hérédité, de son éducation, de son milieu, il ne se détermine jamais que pour ce qui est, ou pour ce qu'il croit être son plus grand intérêt. Il n'y a point de liberté. L'homme ne peut faire que ce qu'il fait. Pranzini, par exemple, quoique parfaitement libre de partir du pied droit ou du pied gauche, avec l'éducation qu'il avait reçue, le milieu dans lequel il vivait, les besoins qu'il s'était créés, ne pouvaient aboutir qu'à des assassinats. Il n'avait point la liberté d'agir autrement. Si l'homme était libre, il serait une cause, il serait Dieu à côté de Dieu. Or, il n'y a rien dans l'univers, dit Spinoza, qu'un seul principe, une substance unique, dont tous les êtres ne sont que les manifestations ou les modes. Le monde est régi par des lois invariables, affirme Kant. Une cause libre serait une dérogation à l'ordre général. Elle échapperait au fil conducteur de ces lois et causerait l'anarchie. Assez d'arguments contre la liberté. Il nous suffira de dire qu'elle est un dogme, le raisonnement étant impuissant à en donner l'idée à ceux qui ne la trouvent pas au fond de leur conscience. Les théories scientifiques de Darwin et de Haeckel ne laisse rien subsister de ce postulat grossier. L'esprit n'est pas distinct de la matière, il en est la résultante, il est un avec elle. L'homme, c'est le mouvement du corps, et ce mouvement est déterminé par des besoins matériels, des influences de climat ou de milieu. L'homme qui a faim vole plutôt que de mourir d'inanition, et ne croyez pas qu'il accomplisse cet acte de son plein gré. Souvent, il lutte contre son éducation, contre son hérédité, mais il ne lui est pas possible de faire autrement, contraint qu'il est d'obéir à l'inflexible loi du ventre. Nous ne nous élevons pas seulement contre le libre arbitre individuel, nous nions aussi le libre arbitre des groupes. Le tout ne peut être supérieur à la somme des parties. La collectivité, comme l'individu, subit l'action des phénomènes cosmiques et de certains courants d'idées qu'elle ne peut enrayer. La France, par exemple, s'est trouvée en 1870, à la suite d'un concours de circonstances imprévues, dans la nécessité de déclarer la guerre à la Prusse. La situation économique, la conséquence des derniers faits de l'histoire, les exigences de la diplomatie, tout l'y poussait irrésistiblement, fatalement. Il ne lui était guère plus possible d'éviter le conflit qu'au Liège de rester immobile au milieu du courant qui l'entraîne. Ainsi, loin d'être libre, l'homme est au contraire dépendant de tout ce qui l'entoure. Il doit donc se coordonner aux individus de son espèce selon les lois de l'harmonie générale ou de la sociologie. Mais alors qu'entend-on par liberté civile et politique? C'est le pouvoir de déroger à cet ordre et d'agir à son gré sans tenir compte des intérêts d'autrui. Forcer le patron à donner un salaire rémunérateur à ses ouvriers, empêcher le financier d'accaparer les ressources publiques, le politicien de s'enrichir à gouverner, c'est semblable, les uns et les autres diront qu'ils ne sont pas libres, crieront à la persécution. En un mot, ce qu'on appelle liberté, c'est la tyrannie d'autrefois, c'est l'exploitation, c'est l'esclavage, c'est le droit d'assassiner. Que les sophistes républicains ou anarchistes, partisans de cette liberté individuelle, ne nous parlent point de la limiter, c'est-à-dire de la rendre égale pour tous. Si elle est limitée, c'est qu'elle n'existe plus. Sous un régime socialiste, n'y a-t-il pas de liberté individuelle? Il ne se peut pas que des hommes tirent à gauche, tandis que les autres vont à droite, parce que tous n'ont qu'un but, l'augmentation du bien-être général. Parce qu'une rigoureuse méthode scientifique, les considérant comme des unités de valeur égales, les groupe en vue de la formation d'un tout harmonique et complet. La liberté est la base de la société bourgeoise. C'est elle qui engendre l'individualisme, c'est-à-dire l'absorption par quelques individus de tout le reste de l'humanité. Que nos jeunes socialistes se pénètrent bien de cette idée, quelle est la négation de l'égalité sociale ?